On est une armée de morts vivants, armée de mots vibrants. On fera couler le son sur du feu ardent. Ça va parter, la terre tremble et la fin ne va pas tarder. Bombardée de métaphores explicites, les médisants, les réticents dont les carences persistent. On récite à qui veut bien l'entendre des raps saudis, des raps soldiers, des raps du cœur pour nos proches, même si le temps s'effiloche. Des croches noires, des croches blanches, j'accroche grave du cauchemar au rêve éveillé, cerné, pèse, visage blême. Nos paroles sont des voyages mouvementés comme ceux de Jules Verne. Je garde mes expressions pour ceux qui ont du cœur, ceux qui se plaignent pas en regardant passer les heures. Je passe mon temps me battant dans les arènes de Babylone. On choisit pas sa famille, pourtant j'ai maudit la cigogne. Le combat que je mène est une lutte acharnée. Chaque jour qui passe est un fardeau à porter, escorté par un nuage maléfique. Pas grand chose de poétique, ni ma vie ni mes lyrics. Comme l'équilibriste, je suis sur la corde raide. Et comme Andromède, je veux ma constellation dans le ciel. C'est pour l'équipe que je bouge mon derche. Rap saudi, rap zombie, même quand c'est la dèche. Au premier son d'une corde, la foule est en folie. Mort est en furie, les raps sautent sont de sortie. Sur une simple mélodie, on voit que la pression est palpable. L'alchimie est ressentie dans le regard des incapables. Même le temps s'arrête, ils préfèrent donner la mesure. Faire vibrer les murs, les consciences et les armures. Mais il n'est jamais trop tard pour goûter au plaisir d'un chant barbare qui fait l'effet d'un élixir. Et il nous rend schizophrène pour mieux transporter nos corps. Fait ressortir la haine pour qu'on se batte jusqu'à la mort. Surtout pas le droit à l'erreur dans un climat de terreur. Une rhapsodie en cœur qui va rester dans les mœurs. La capuche imperméable aux larmes de la lune. Une pluie d'étoiles inonde les hectares de bitume. J'esquisse mes habitudes à la sueur de ma plume. Nos vies sont un coup de vent et moi je m'enrhume. J'écris ma vie comme un post-scriptum posthume. Je n'en vis pas ceux qui ont la droiture comme posture. Postier de la rime, j'ai des lettres en écume. Écoute sur la rive, arrime le flot de mon amertume. T'arrives à rire, moi je n'arrive à rien. Capitaine d'un navire avec de rêves non cartésiens. Car quand je me lève, il n'y a que le soleil au zénith. Moi si je me bats, c'est pour ne plus être dans le public. Phase et percus, c'est la richesse du hip-hop. Des cris sous les capuches, c'est le fruit de la récolte. Quelques piques, rien de grave, c'est le désert de révolte. Un drapeau tricolore, c'est l'héritage de la honte. Le ciel est noir, si car il pleut des flèches de fer. Comme bravo Kilo Yang, Kilo hip-hop coule dans mes veines. Sous le jazz, boom, c'est de là que la sonate qui rallie la cause. De ce nom à la sonatine, tant que l'islam servira de ça se parler. À bout de souffle, j'ai le goût du sang se parler. On fera en parler en merde, les plus belles formes de rhétorique. Écoutez au plaid, les merdes des ghettos crient à l'air. Oui, popé à ces épopées urbaines, aux prostes oppressés. Les échos de notre époque à la renverse, à nos versants, ces rhapsodies libres, nos pensées peuvent survivre, s'élever, pas céder. Plier sous le poids des années froissées, passer à l'action, c'est le moment rêvé pour avancer, prier, pas parler. Foncer, assez galérer, douter, rater, râler, lâcher, tout gâcher. Vraiment pas le temps pour les regrets. Et encore combien à tuer, a-t-il à seul dans nos pensées. À se dire qu'on ne laissera pas passer. Impossible de nous arrêter, on va persister, pas percer. Pas là pour gravir les sommets qu'ils construisent pour nous occuper. On vient la graver, nos sonnets, puissent-ils un jour être écoutés. Dieu sait combien d'échecs dans l'encrier pour se. Ils veulent nous abrutir avec leur lavage de cerveau. Relève la tête de l'eau avant que ce soit héréditaire. Mes mercenaires et moi nous sommes parés pour le chaos. Lancés dans ce business pour vraiment baisser les tarots. Mais gros, à cette époque maintenant il faut choisir ton camp. Énormément de gens voudront te planter dans le dos. Assure et ne sois pas idiot, prends la direction de nos rangs. Notre équipement est sur le point de faire déjouer tous leurs complots. Je pars en mission commando comme si j'étais un commandant qui attend l'heure impatiemment de pouvoir commencer l'assaut. Blanqué c'est sûr, on a les gros et même tous armés jusqu'aux dents. Le monde sait bien qu'on se contente pas que de leur briser les os. Étouffer le cœur à l'œuvre, on embarque sans thune sur des barques de fortune, on en a bouffé des couleuvres. Essoufflé du périple, on fait rythmer sueur et sang, rimer sans lueur se ressent. Et l'équipe est multiple, lourde plume, fine gâchette. On a l'éthique, une gourde d'arithmétique, d'amertume dans la cachette. On théorise prudent l'art de la parole, pendant qu'il thésaurise hilar en perdant le contrôle. Alchimiste mystique, mes mots terrorisent, les plus mythiques se mémorisent, les plus tristes sont balistiques, fatalistes. Mais ne tire pas au flanc nos rhapsodies, pleines d'espoir ou pessimistes. La gloire du clan et le psalme maudit.